Ce qu'on fait là, c'est des tissus pour faire jalaba, tunis traditionnelles, des couvertures et des écharpes. Matière première, on utilise de la laine, le coton et de la soie végétale qui vient de l'agave, fruit de cactus. Donc l'agave, c'est ce genre de cactus. Si on tire juste un petit peu comme ça, c'est vert. On enlève la bordure de l'eau. Et puis regardez le reste. C'est du tout blanc, qui est naturel. C'est ce qu'on appelle la foie végétale. C'est beau. Pour le travail que Emmanuel, l'artisan travaille avec ce qu'on appelle la navette. Quand il tire la navette, elle passe d'un côté à l'autre. Et puis le va-et-vient gauche-droit. À chaque fois, il y a un fil de plus. Quand il termine une bobine, elle passe à l'autre. Il y a aussi deux pédales avec le pied pour croiser les fils de trame. La trame est la base du métier, 3600 fils pour avoir 1,70 m de tissu. Les mains, les pieds, et aussi parfois il faut compter le va-et-vient de la navette pour avoir les mêmes motifs. Donc ce qu'elle est en train de faire, c'est ça. 2,50 m, 1,70 m, c'est ce qu'elle est en train de faire. La chaîne, c'est en coton, la trame, c'est de la laine. Il faut à peu près 2 jours de travail pour faire une taille comme ça. Deux. Ça, c'est la taille pour faire des tenues traditionnelles pour les différents bâtiments. On peut l'utiliser comme le livre, comme la main. Sinon, on a une option comme ça, plus grande que les épaules. Mais ça, c'est une espèce de couleur qui est assise. Je vous dis, mais c'est pas, c'est de la laine. C'est une couleur naturelle, on peut laver à la main, même à la machine à 40 degrés. Comme dernière création, il n'y a que de la soie. Mais toujours la soie végétale, 3 mètres sur 10,5. C'est la couleur locale de la médina, fesse bleue. Ça, c'est le maximum qu'on peut tisser avec la main, 3 sur 10,5. Pas d'endroit et d'envers, pareil. Les prix, si vous êtes intéressé, là, s'il vous plaît, on a des prix par raisonnable et fixe. La plus grande taille qu'on le veut, donc 8 jours de travail et la matière première, coûte 600 dirhams. Ça fait 60 euros. La deuxième taille comme le rouge coûte 500 dirhams. Et ce qu'elle est en train de faire coûte 600 dirhams aussi, parce que ça prend même durée. Et à part des étangs, on a aussi là des écharpes et des foulards. Venez voir s'il vous plaît. Regardez, des écharpes et des foulards. Et en coton, coûte 100 dirhams, 10 euros. Végétale. une photo, aucun problème. Bienvenue. C'est vous, welcome. Tu as bien.